kinini tretaka malaria mais kinini pe longola kazem tokokota lisusu makambo etali sport. Nous regrettons Florent Ibenge okoki kotika te meilleur buteur ya championnat ya RDC azala na Leopard. Ça ne s'explique pas. Alobi awa lelo na butu tosolola ki bwana boye projet za boye oyoki kufi tout puissant Mazembe ba elimine yo parce que vous devez être sérieux na biloko bosalaka. Attention avec l'être qu'on appelle la femme. Maweja na ila nzambe ya misumba mpungu tulendo abenir bino. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Merci beaucoup Ndenge Boutaki Kolanda. Toute la semaine ici, Oyo Tosalaki Blocage 2, vous avez été édifié. Nanzoaki Pebape Lebele avec des questions précises. Félicitations, j'ai compris que Bolanda, Congolais, photos à l'Andengewana, en ce qui concerne matière politique, matière spirituelle, matière sociale, tous à la ka, et l'oko ebimi, tout comme la capacité d'analyse profonde, et ça, très important. Et donc, ici, na lingina continue à blocage 3. Nazo tire attention na tango bozo landangai. Tango nazo expliquer loko moko. Nako kiko banda ko expliquer eloko wana nazo kende nango. Na la kisabino siko eloko na uti ko expliquer awa. Tina na yango nini na blocage. Nazo ko insister ka Frex so bozo komona agence ya Fred. Eza ya black thing. Ba tutu oyo ba tia biloko na bango na ka Frex baza ya ko sepelati lelo. Conteneur na yebi saki bino esi ebimi. Musu se linge ebima. Yangona nazo insiste. Biloko na bango yume la kate yeko maka très bien. Ifo botanga numero tozo tia sikoyo awa eza mibale. Kuna na Angleterre. Eza la na Liverpool. Liverpool. So ina tangi kuna na Espanyol ba ose pelate. Bon, yo sa ndengini. Liverpool la sali mabepo na moni. Balingi babo ma club ya Barça. Messi balobi ita musu sa kuya Renaissance. Bokende na Manchester na ba Chelsea so ki Chelsea za akuna je ne jamais été là na ba bisika nyonso Romini tinda eloko awa na Congo kende na Cafrex benga na numero to affiché po e komela yo famille sepela bino pe watakishasa bolingi botinda ndunda ponde bakoki na biso za wana bali ya kabiloko ya mboka kende na Cafrex na adresse ya RDC yango na che awa botanga yango bokende bo pesa marchandise e koma kuna bande kobalia bokoko ekima bango te. C'est très important. En tout cas na yebi que prochainement tango ba bande ko pesa ba solution ya blocage tokokota lisusu makambo etali sport. Nous regrettons Florent Ibenge okoki kotika te meilleur buteur ya championnat ya RDC azala na Leopard. Ça ne s'explique pas. Na landaki na émission na Top Congo bazoloba d'ailleurs za mwana za expérience te za 19 ans. C'est faux ça comme argument. Kylian Mbappé 19 ans a joué ti Coupe du monde. One is a reason manin. Mohamed Ali za na 17 abimi champion du monde. One is a reason mate. Muleka mérite d'être parmi parce qu'il a un meilleur buteur. Bon, on va jouer à vite à club Moussou ya Mimi. Baza ba international kuna ten na poto. Ba ngo ba zen expérience ni. Non, il faut éviter ça. Même ba jouer yo ba kendo ça là quelque chose pour l'équipe. Félicitations à Renaissance. Na mona ki bitumo ba menaki yo ya solo, il faut pas cacher. Tant on a côté dossier Renaissance, tokolobela ngo. Ba lutaki des fois ba noir yango ana. Renaissance ça ça peut ça goût na sport awa na Congo la musaki ba équipe yo sa minene et se faire valoir ba bundi ba kitsaki ngona deuxième jeu matili susu awa ba sala ki aneo po ba sala susu ndenge moko parce qu'on avait vu un match ya Renaissance bi ekoti a gagné Vita ba boy que Vita za la humilité avec objectif pour Vita bima champion ezama B. Mais Renaissance azawana tozoko féliciter ye soki a gagné na Coupe du Congo ak Afrique papi Kimoto. Zoa félicitations Nangaï. C'est comme ça que les choses doivent marcher et c'est très important. Tout puissant Mazembe, bah éliminez yo parce que vous devez être sérieux na biloko bosalaka. Bon surveiller bah joueur na bino. Balingi bar trop, balingi masanga trop, balingi ambiance trop. Na ba potonga na mona bazo punir bah joueur pour bakutaki na boîte. Mazembe, c'est une entreprise de football, ya matata ya makasi. Bo sala tout, bo tchaba mesure ya makasi, bo kozwa coupe wana, vous méritez mieux. Bo tika système ya bacha bino bo banda ko remonter pente. Nde rere zaka na Mazembe, depuis na za mwana, depuis période bakala ala bakazadi banini, rere zalaka o wana. Mais maintenant que Moïse Katumbi a sali, bo koma na système ya semi professionnel, vous pouvez être professionnel. Respect ba joueur bazana na respect ya Dina bango bazango sérieux ma corona bangwana d'entreprise masanga ezana sukate bo surveiller bango de près mazemba kozwa coupe na aneza kuya lupopo félicitations na ndenge sikozu président mususu azana moyen basangana na Foster Bukonda na papa Kyungwa ku Mwanza bo telemisa lupopo ze équipe ya bien parfois na lobaka bolongo la kombo ya lupopo pour na éviter lupopo za nini ou bien tozako eko na ba popola eko na ba popola to ba popola et tika li kombo bon en fait ce n'est même pas un mystère c'est une superstition peut-être et lequel ngana mutu mais bo organiser yango lupopo za la concurrente de taille. Kuna na mbujuma isanga balende. Félicitations mais okiti facilement style moko na DSMP. Bobandaka bien, bosuka ra mbangu mbangu te. Bo sala makasi. Toko bunda toko cha makelele pour que la ligue na biso ezala que ba équipe ezala au moins 20 équipes. Bo petit 19 matchs aller, 19 matchs retour. Bona ko suki sa kamwa introduction ana botika ko favoriser ka Mazembe na Vita trop. Oh bazo beta Afrique bako beta match au TNT. Kuna na poto esika football e uti. Okomona Real azo beta dimanche abeti mardi. Après mardi abeti vendredi. Ne awe komi oh bafana 9 jours bazana match boko d'Afrique. Bozo zangi sa ba joueur football na makolo. Mais bino bozo kanisa bo favoriser bango po ba bimaka ba champion awa. Yango bozo tika ba mususu ba bunda bunda ba lemba ba komba ya kobeta match. Ça ce n'est pas du sport. Tokota na makambo etali blocage. Troisième partie. Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni. To ozana ndeko na yo azana Londres. Yebi saye libela. Agence de frais yango yo esi eye. Agence ya ba professionnel avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Ozana nord ya Angleterre. Benga bisuna 074 74 80 10 87. Yo zwami na sud ya Angleterre. Benga na 074 66 70 70 40. Van ezoya tina nda kupona koti kafe kozwa koli na yo. Bolingi yo tindani. Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, pe biloko nyonso ya nda. Pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo et komi pe bandeko na yo bandeli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com pona ozwa ba information nyonso etali ba fre. Vraiment Cafrex c'est au-delà de l'excellence. Na bandi na o etali mutu tango alingi abala. Oye lekaki na lakisa kibino ke tango zo bala na cotisation. Yeba ke mwasi na waza mwasi ya batu ebele. Na batu nyonso ba pesa ki, ba mwa mbongo na bango, na kati, mtu na mtu waza na esprit na ye, mtu na mtu waza na mistiki na ye, na misteri na ye na nzoto, e ye kobala kaka mwasi umoko wana. Soki ozana nuprete, kukende kobala ti. Mena koma kupona mwasi ya libala. La plupart de temps, batwebele bakota na ba erreur à cause kaka ya basali oyo to bengi ya nzambe e mingi mingi eloko ye ko sala ravage na tango to koti na période, excusez-moi, na tango to koti na période ya église du réveil. Parce que l'église du réveil makambo ebele sali ya minene ezali mais libertinage eza makasi na désordre ebele koti na kati. Ozomona pasteur azoyebisa yo que frère na likambo na olobaki ya libala nzambe alakisi nga mwasi oyo yo kobala mwasi ya molimo. Tala conséquence yango oyo, tala esika blocage ekotaka yango esikoyo. Mutu nyonso tango akolaka ya mobali azalaka na forme ya mwasi alingaka kobala. Eza na mutu mosusu alobi nga naza mukuse na kobala mwasi ya mulai, nga naza mulai na kobala mwasi ya mukuse, nga naza mwindu natika na bala pembe to doze bana mosusu nalingaka nanga bois noir parce que po wana nasepelaka yango makasi. Mais pasteur aza koya kopesa yo mwasi ya mukuse alors que yo olingaka ya mulai. Tango bokobalana na kati ya libala na bino okomona quelque chose ne marchera pas. Sikoyo blocage kouta wapi? Po okoma lezo sentir koza na mwasi, tango ke na cité okutani sikoyo na mwasi moko ya tai oyo yo olingaka, okolinga ye, obandi kobima na ye, obandi kosala ekobo na ye, diable pe aye kokota na kati ya ekobo a installé sikoyo démon oyo akobanda kosalela yo. Blocage koti soit akangi mbongo, soit alongoli kimia na kati ya libala wana, soit apesi ba maladi, tokomona ngo tango tozokeni. Omoni na ke na ndenge ya shwa oyo basaleli yo eza ya yote, oye ko vivre le contraire, demo ekoti, mabe ekoti, blocage s'installe. Il n'y a pas que le pasteur a ko pone la yo mwasi. Ba parent. Okomona papa alingaka mwasi oyo azalaka mukuse, achaka makiyaji te, apesa ka batu mbote pamba pamba, nde guna ye. E sali ke, lokolo pesi confiance na papa nde abale la yo, o pesi ena chwa na apone la yo, akoya na mwasi ya marko yo ye alingaka. Alors que yo, peut-être lingaka, mwasi, oya lobaka français bien, lokolo mi batu mwindu tokoma aliene, alors que yo lingaka moi so ya lingaka kolate biloko mikuse mikuse pota na kamipende na ye, alors que lingaka nazozo ba exemple boye pour vous montrer ce qui arrive tango papa ko ya na moi so alata kama puta tout le temps, tango ko mona moi si akolata ba mini jipe libanda okolanda ye okolinga ye siko moi si no na kati ya ndako boko sala dans l'unité spirituelle te. Et lorsque vous n'êtes pas dans une unité spirituelle, vous êtes séparés, c'est l'unité démoniaque qui installe et qu'il y a qu'on fend dans la katikati na binomi balé. Blocage côté. Ako satana na domaine nyonso ya vie na yo. En dehors ya wana, to sola ka ba chwa mususu ya basi influencé par des amis. Ozana mwasi olingaki olingyo balayi nde guna yo okurazaki ye yo moko olingaki ye yo moko jour ya présentation entre ami bakamara nyonso o mumini o mumi o kendene na tana fete te soni o bravon babandi ko décourager yo. Attention libala eza ba jete to sala parce que tolobaka la profondeur appelle la profondeur. Guna yo est rencontré de Owana. Ba ami ba komi ko seka seka. Olobi lokola bazo seka ngai c'est que je suis rien au boyé au lingi moisi à staff. Boke na kanae ba fête ba ole ba moisi moko kano. Donc moisi jouer. Tango ko bala ye. Profondeur na yo ya chaque jour et ko banda ko réclamer yo. Oko mona que ah na bijou pamba pamba fandane na ndako lokola po moko de fleurs. Oko zonga libanda ya ono to mona bato mususu a zongeli moisi ya linga ki abala avant. A installé ye. Akoma olala kuna tan ebeli. Blocage est kokota sur le plan des droits. La loi qui dit que kozala monogame pas polygame. Bana baba du kobotama. Oh la loi le considère comme les enfants nés hors mariage. Trouble koti bana ya ngambo na ngambo yo et créé au blocage, tu n'as plus de paix. Na moment wana pendo ki kotaka e kosala que moi so yo balaki na kati ya ndako. Sur conseil des amis, okomo mona na muke muke pana ye, ba fungoli ye pe mémoire na basi moussous, camarade, ke okozwa pe moa garso moko a kote a tchaka yo a l'aise. A bandiko sala ekobo. Na ekobo wana, blocage koti. Omoni toke na choua. Soki choua ne salibi ma be, ne sika pe blocage ya kota na via mout. Là, c'est très important. Bala ndenge olingaka. Bako sabino te que ce soit à l'église, ton aboko koto partout koloba ke. Pona mote mako ponanzo tote, c'est faux. Ba expliquer ango ma be. Et loko alibose zalaka, désir ya moutou. Kolinga ya moutou. Yo garçon olinga kanini. Yo fi yo lingaranin. Ezana ba fi balobaka. Ngai nakobala na ngai kaka mubale ya mbinga. Soki ba yeko force fi wana. Abala mubale ya mkuse. Ako finir par ko sale kobo na ndaku wana. Soki na pembe na zi mubale gwe lingaka. Okomo na basi ebele ozo omo na za marie. Abimaka kaka kenda osala ekobo ndio moni yango andumbe blocage choix ya mabeo yaki esali ke sali blocage e bloqué na kati ekobo ekobo ebomi bolingo na bango ebomi finance ya mobali ebomi ba étude ya bana la ola ki sa peu plus tard mibali ekenda koluka basi ya batu poasana na basi ya batu. Tactique za kabele ko kanga mbali wana vine mobimba attaque une église kaka jour a ko zonge pa mbali wana eke mbali alobi na pardonner ndako ko bik sinon a ko souffrir ti ye na bana et donc et je ko abibale muto salaka a moni fi azoleka atali oh je l'aime beaucoup. Voilà moi si na lingaka. A linginde physique. Na niveau na makambo spirituel les ananou te. A lingi physique. Soyez honnête avec vous. Voilà pourquoi ba koko na biso. Oyo bozo finga lelo koutume mabe, koutume mabe. Koutume amabe ezali ya kitoko ezali. Parce que même dans la Bible, eloko ebele totanga akuna c'est la coutume juive. Ça n'a rien à voir avec oh Dieu, ça là, le coutume n'a rien de bas. Non, ça n'a rien à voir. Ils ont coutume d'un peuple. Coutume, ils ont un usage. Il y a chaque jour, banini, c'est tout. Mais je peux expliquer coutume comme religion. Et comme ma ben andengenini. Kini ne traite pas malaria. Mais kini ne peut longo la kasem. Il y a une église. La religion. Et redresser sa moutou. Poise à la bonne malamou envers Dieu. Mais quand la religion n'a pas utilisé sa kango pour nous coloniser le pays, religion n'a pas utilisé sa kango pour nous causer sa batou le bangon, religion va utiliser sa kango pour nous makamou mabe et belé. Coutume paix. ezalaka bien bangi saka mutu ko sala mabe kaka pe kutume wana ndoki azana kati au nom de ce kutume azako bebi sa vie abato tango toko yako traiter makambo ya kutume boko yoka ezalaka ndenge nini nalingi kokota na oyetali virginité na kopesa avantage ya virginité na inconvénient ya virginité na koma virginité wana ekoki komema blocage ya makasi peut-être musoko koloba ah tika na landana depuis quand yangoyo la virginité est une valeur extraordinaire et pas à moi lorsque babali moi si aza vierge aza na confiance totale ya mobali na ye. Lorsque babali moi si aza vierge, sa sexualité sera adaptée à son mari. Mais lorsque moi si a vierge, na virginité na yi, abali na nuté, ake ko bimana mobali, ya science occulte. Ou mobali sorcier, mobali nganga, a sali na ye rapport, a devierge ye, alliance avec le diable et sale maka, parce que makila ezo bima. Le même mobali a occultisme, nandoki, oyo, a sali rapport sexuel na mwasi a yebi deja mibali, alliance de sang exacte, parce que koto yo, makila moko te bimi. D'où démon ya koti e pa ya fille oyo ba devierge. Na démon ya koti e pa ya fille ya sa déjà devierge. Ba ke seni ninfo. Et alors maintenant, cette fille, ba outa ki ko bebi sa virginité, a logé démon ya makasi. A sa alliance de sang. Tango ba yeko balaye na mobali innocent oya ye bakili kambwana te bakoti na libala blocage bandi parce que azwaki déjà alliance avec un homme maléfique ezana ba formule basalaka po likambwana esila d'ailleurs mingi na bokoko nde ba registraka iloko na mingi je sais ce que j'ai dit. Tango siko mwasi mosusu ya bebaka na ekala akota milimo ayeko bala amemili susu blocage na libala na ye. Ce qui fait que na tango zo pona mwasi pona yo moko po yeba siko molimo na yeso keza bien bakoko na biso bapesa eloko ba lobi anamchumbia. Ça, c'est en swahili chez moi. En français, baosa la fiançaille. Fiançaille, ndi siko iko ki ko révélé yo kati ya mwasi. Soki yo olingi mwasi, osali fiançaille te po yeba ye, église moutou te, ekolakisa yo intérieur ya mwasi. Kosakana na mwasi te aza mutu moko compliqué. Akoko bomba makambo sérieusement, pasteur a découvrir te, yo découvrir te, batutu ba découvrir te, mais akana ba piège ya mike pour découvrir. Mabe sikoyo ya kobala mwasi ya yebi mibali, ezalaka souvent asia akumila ba mipepebele. Akoti na kona libala. Mabe mususu ezalaka na kobala mwasi ya yebi deja mibali, ezaya ke tango boza kukutana na ye na rapport sexuel, ye po ayoka bien, akanisaka lende mobali ya oya sepeli saka ye mingi, soki akanisi ya se concentre, nde a jouir. Et tango boza kukanisa boye, pendant ke boza kukutana, aza kufungola nzela ya blocage. Satan za kukota place wana, paske na minute wana za kusala adultère. Très important. Mais ça garantie ya koloba na bali mwasi ngai moko to komi na ndako na kutie vierge que ça garantie. Parce que basi mususu bazalaka vierge mais bakenda ko pesa sima po aboya ko talibala bakuta kasi yebi mibali. Or tango apesa ka sima eza na ba demo bakota kana sima ya makasi nde ba demo bokuta ke pa ya ba lesbienne disons ba homosexuel ya mibali bazwana kana sima demo ya makasi ekota kakuna mwasi wana siko abombi liboso na ye pour que akota na libala na virginité apesa ka sima po sepelisa mubali azwa mbongo na ye ba ye kobala ye akoti na libala na milimo ebele ata tango siko yo mubali siko bokutani premier jour jour de noces nuit de noces au dévierge ye alliance salemi lisusu ya makasi ya sang parce que azalaka deja na ba demo makasi na na kati ya nzoto na ye dans tous les sens au cours de sa blocage. Je vous ai promis que tant que nous silisakotanga ba système ba sorte ya blocage na komona pasteur oyo alongo bani ayebi sabino komako olonga likamwana na koluka mutu moko ya kimbangwisme oyo akwexpliquer selon kimbangu comment on peut résoudre ce problème na koluka na bokoko oyo akoko expliquer na kaya boye tozali kosala ndenge ni parce que ça se faisait et loko mususu koti saka blocage na vie ya mutu ezali que ba femme mariée o balingi beauté belé bakendaka komema ba démon oyo memaka blocage na vie na bango na libana na bango na esika bakendaka kokangisa suki ya maboko esika bachaka bango ba plante. Et si que bachaka bango ba mèche. Eza na deux sortes ya démon bazwaka kuna. Moko eza oya kangaka bango maboko ayaza ye moko ndoki. O pesier mutu ako manipuler mutu pendant 1 heure ou 2 heures. Ba mususu bakangisa kasuki même 3 jours po esila. Et pendant 3 jours ndoki wana za kosala formule tout ake alali lokola ba ndoki basala ka réunion 21 heures minuit ba sauter. Tango akomi alobi voilà suki onazoki ya mwasi wana yangoyo kuna bakomo ko préparer makambu ememi blocage na libala nayo mais zara ba mususu yefi azando kité mais salisa ki sipona ozara na ba cliente ebele ki si wana eza ko kanga mitu ya basi wana progressivement eza lisusu basi mususu bakenda kosoma blocage na kabelo basi oyo bakufa balongola bango suki batekeli bino bokomo lata suki wana euti na mutu ya mwasi wana mwasi wana oyebi spiritualité na yete mwasi wana oyebi ndenge azalaki te olati yango na mutu na yo oza kotambola na yango liwa ekotaka wana blocage ekotaka wana yango na kosayaka basi lokola bolela bote na bino bolataka ba mèche oyo ya plastique tika suki normal ya mutu po babengi yango kabelo kabelo kabelo omoni yango elengi rien du tout blocage ebele bomema yango na bafoye na bino blocage ebele ba jeune fille balati bakabelo amema yango na baétude na ye po apasse promotion fo kaka aleka na professeur moko mayele na ye ekufa mususu blocage eza biso mibali tomemaka na ba mariage na biso mwasi akokufela mobali afandi ata 5 ans obima na mobali moko te me mobali akokaka te mobali kaka abima ndako bima mobali kuna akendeki ake kozwa infection infection ana aye kotika ngwe pa mwasi na na ndaku mingi mingi mibali ndeto memaka ba infection na ndaku infection ne kotungisa lokola mwasi aza na voix mibale yo na voix moko ba traité yo ki mwa bien tango zongi lisusu o récupérer mpa mwa sino et comme ko sala mouvement cyclique tango boko ya kotsa zemi zemi ye ko zwa mwana mwana ye ko bota mana défaut boko mi konyoko ma vie mo bimba bo zangi kimia c'est un blocage va bloquer pain na bino a partir infection yo ke ndeki ko luka yo mobali Eza na mibali mususu, tango zo kende, kobimana basi pamba pamba, alali na oyo, alali na oyo, alali na oyo, ako ramase kati na bango, molimo moko ya mwasi ndoki, alatisie loko wana, tango ayena ngo, akutani susu na mwasi na yena libala, koyoka na kufi, bolingo e diminue, bana bakomi kobela pamba pamba, mobali ya memide mo wana, na mariage. C'est très important ce que je suis en train de dire. Oh, comment kaka, oh non, je comprends le thé, maman, je suis allé chercher ça toi-même. Non, monsieur, tu es allé chercher ça toi-même. Mi bali mingi ya jigolo o elinga kolia kaka makambo ya basi azwa mwasi azwa ye kimakango alia mbongo na ye bilamba na ye asala nyonso na ye sambela kapeti blocage zalaka osali ki jigolo ebele bele bele bele po mwasi amema yo na poto okomi na poto okimi me okimi na nyongo ya mwasi oyo oke kobala blocage Jesu yo. Voilà des sortes de blocages. Ba mususu bazwa blocage kaka na biloko ya ba YouTube oyo. Etape mususu ezali ya ke bosa la tension basi na bino bino bobali, botinda botika ka bango te kokende pamba pamba ba association de femmes. Il faut yeba association wana de objectif nango nini esala ka nini. Mingi mingi ba association de femmes où l'objectif est de combattre l'homme. Alors que l'homme est établi comme chef de la femme, et même Makababilo Kebele Nandako. Parce que là, on les entête. On dit à la femme de s'entêter au lieu, yo femme osa licenciée, au tangi, niveau mokona mbalina yo, bosa très bien en mariage. Comment une femme peut t'appeler quelque part pour te dire, il faut tobunda na bango, si ko yeko mika kabisonyo sto décide n'inge moko? Faux. Même nous les hommes, nous sommes tous licenciés, mais il y a un chef. Alors, si vous avez une association, vous avez une association qui est une tête de tête dans le cas de tant que vous trouvez le côté entre les balais, le diable va faire descendre un ange, un démon, déchu, afin de blocage les côtés. Tala mingi mingi bato bazalaka ko diriger l'association des femmes, okuta souvent c'est une femme divorcée. Une femme veuve ou une femme célibataire. Mais ce qu'on a dit, ma femme, wana, biloko baso décide pour bino basi bosala, au koutier pembeni, ba vivre kana ba garçon moko yokondi mate, ba beta kabango, ba sala ka yelo kote, mais ba koya koye bisabino, boza la tetu dans votre mariage. Ça ne sert à rien. Pour terminer, bo tirer attention, loko la lingina lobawa. So ki yo so poni mwa sina o baliye. Au salaire qui fiançaille pour évoluer. Peut-être la fiançaille, si tu n'as pas beaucoup découvert des choses, ça la tension tango beaucoup dans le mariage. Ce qui est monique, moi, si je suis dans ma maman, je tout le temps, kokote la moutoute de bango bibale. Ça la effort oyeba. Tango zalakate, bazalaka ndenge nini. Parce que ma maman est belé, nabasi est belé. Okokuta bango nyo nisomi bale ba abandoki ba lokaka yo moyo mobali mwasi na yo azana yo na mbeto oyebisaka ye ba secret nyonso chaque fois eloko yo lobaka projet pa mwasi na yo il faut projet kufa étudier nenga no komona ke chaque fois oyebisaka mwasi likambo ya bien okomona likambo ne kufi mais soki obombi oyebisi ete komona likambo ne komi na suka eza ba température koyeba mwasi na azana nani alors tango lobaka moi si na yoki yoki musala ke pa mama bokilo alobi awa lelo na butu to sorola ki bwana boye projet za boye oyoki kufi na tango yo zate ba yokanaka soki ozali okomona baza komi tongola baza kosala ba bizeti banini ba koswana eza lukuta attention avec l'être qu'on appelle la femme. Mobali akoko vivre sans femme te alonga. La femme permet à l'homme de réussir. Et en même temps, c'est la femme qui tue l'homme dans la vie. D'où, il faut que le Seigneur, il faut que les ancêtres,